12. Le petit renne au nez rouge. La mâle commence à bouger, doucement au début, puis elle remue dans tous les sens. On tape fort sur le couvercle de l'intérieur. Flagadelle et trompette ouvrent la mâle. Rien, plus un bruit. Jusqu'à ce que les bois d'un renne apparaissent. Puis la tête du renne, avec un nez rouge. Nous découvrons alors Picaouette, qui apparaît à son tour, à cheval, sur le petit renne au nez rouge. Flagadelle, tu vois, trompette ? Trompette, c'est pas croyable. Picaouette, c'est bientôt Noël. Rudolphe, j'ai envie de chanter une chanson pour toi. Écoute bien, ça parle de toi, et tu verras, tu seras fier de ton nez rouge. Et après, promets-moi de faire la tournée du Père Noël, parce que les enfants attendent leurs joujoux par milliers. Picaouette, vous êtes prêts ? On chante. On l'appelait Nez Rouge, mais comme il était mignon, avec son petit nez rouge, rouge comme un champignon. Trompette, rouge comme un champignon ? Picaouette, oui, comme un champignon rouge. Flagadelle, ne serait-ce pas plutôt un lumignon ? Picaouette, un lumignon ? Trompette, c'est une petite bougie. Picaouette, j'aime pas. Je préfère un champignon. Flagadelle, comme tu veux, Picaouette, chante. Picaouette, alors demande à Monsieur Trompette d'arrêter de m'interrompre. Trompette, Monsieur Picaouette n'a qu'à pas inventer les paroles des chansons. Flagadelle, ah non, ça ne va pas recommencer. Allez, on chante. Tous. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait boire un petit coup. Picaouette, parce que quand on boit un petit coup, ça fait le nez rouge. Trompette, si tu bois trop de sirop de fraise, oui. Picaouette, et si on boit trop de sirop de menthe, ça fait le nez vert. Flagadelle, bon, on chante. Picaouette, oui, pardon, on chante. Flagadelle qu'il entendit pleurer dans le noir, pour le consoler lui dit, viens conduire le traîneau du Père Noël ce soir. Flagadelle, c'est presque ça, Picaouette. Picaouette, et voilà, avec son nez rouge, il éclaire le chemin du Père Noël dans le ciel. Il est célèbre et tout le monde est content. Flagadelle, bravo Picaouette, bravo Rudolphe. Trompette, Rudolphe est content, il va conduire le chariot du Père Noël grâce à toi, Picaouette. Je suis fier de toi. Picaouette, c'est gentil, Trompette. Moi aussi, je suis fier de moi. Flagadelle, et moi, je suis fier de vous deux. Picaouette, oui, bon, c'est pas tout, on a encore le spot Christum mystère à résoudre. Flagadelle, c'est vrai. Quelle est l'énigme déjà ?